Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de futur et, dans le futur, de l'hydrogène. La découverte de l'hydrogène date de 1766 et elle est due au chimiste anglais Henry Cavendish, qui le qualifie alors de d'air inflammable. En 1783, Antoine Lavoisier montre que l'eau est composée d'oxygène et d'un gaz qu'il baptise hydrogène à partir des mots signifiant en grec qui engendre de l'eau. En 1839, l'Allemand Christian Schönbein découvre l'effet pile à combustible qui permet de produire de l'électricité grâce à l'oxydation de l'hydrogène, une réaction inverse à celle de l'électrolyse de l'eau. La pile à combustible à hydrogène permet d'alimenter par exemple une voiture ou un vélo électrique, mais aussi un téléphone mobile ou un ordinateur portable. Elle ne rejette que de l'eau, ce qui en fait une solution écologique. Pourtant, l'hydrogène peine à s'imposer face aux voitures à moteur thermique ou électrique à batterie. En 2002, le prospectiviste Jeremy Rifkin écrit un essai sur l'économie hydrogène dont il fait l'un des piliers de ce qu'il nomme la troisième révolution industrielle. Mais 15 ans plus tard, pourquoi l'hydrogène n'a-t-il pas réussi la percée attendue alors même que le réchauffement climatique s'aggrave ? Hydrogène, solution ou mirage, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour aborder cette question de l'hydrogène, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre-Étienne Franck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des nouveaux marchés et des technologies avancées chez Air Liquide, en charge de l'ouverture de nouveaux marchés portés en partie par la transition énergétique. Vous êtes très impliqué dans la promotion et le développement des métiers de l'hydrogène et de la pile à combustible. Vous avez publié en 2015 un ouvrage intitulé « Hydrogène, la transition énergétique en marche » chez Manifesto, la préface de Pascal Lamy et en co-auteur Pascal Matteo. Et Paul Louquez. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur adjoint de Cap Énergie, un pôle de compétitivité. Et vous êtes président de l'accord hydrogène de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. Vous avez écrit un livre intitulé « Hydrogène, le carburant de l'après-pétrole » avec un point d'interrogation, vous précisez, avec Edouard Freund, et c'est publié chez IFP en 2012. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour de la semaine en direct sur France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors avant d'entrer dans le cœur du débat, peut-être faut-il rappeler que l'hydrogène est un élément qui est l'élément le plus abondant dans l'univers puisqu'il représente 75% de sa masse et 92% du nombre de ses atomes. Il compose 63% des atomes et 10% de la masse du corps humain. Sa fusion thermonucléaire à l'intérieur du Soleil et des autres étoiles produit l'énergie et la lumière dont nous profitons largement sur Terre. Nous en avons parlé dans la méthode scientifique lors d'une récente émission sur le Soleil. Paul Louquez, il faut sans doute commencer cette émission par la grande crainte qu'inspire l'hydrogène, celle de l'explosion. L'incendie qui a ravagé le Zeppelin LZ-129 Hindenburg en 1937 a marqué les esprits. Malgré les progrès de la technique dans ce domaine, il semble que cette peur persiste encore aujourd'hui. Alors, votre question est tout à fait légitime. Je pense que quand on veut introduire une nouvelle technologie auprès du grand public, il est légitime de se poser la question de la sécurité. Mais Pierre-Étienne pourrait le confirmer, l'hydrogène est un élément qui est déjà largement utilisé dans l'industrie depuis 100 ans. Et l'industrie a su parfaitement maîtriser les risques, que ce soit en production, en transport, puisqu'on transporte l'hydrogène aussi sur les routes, et en utilisation. Donc déjà, il y a une partie du chemin qui a été fait, puisque il y a beaucoup de mesures, de précautions qui ont été prises pour la manipulation d'hydrogène. Je rappelle qu'on utilise 60 millions de tonnes d'hydrogène par an dans le monde, donc ça fait quand même depuis des dizaines d'années, donc ça fait une certaine expérience, un certain feedback sur cette utilisation. Alors après, maintenant, l'enjeu du futur, c'est de déployer l'hydrogène auprès du grand public. Oui, donc là, qui lui n'est pas habitué à son contact. Il n'est pas habitué, sauf que peut-être, enfin moi j'étais pas forcément né, mais vous savez qu'avant que le gaz naturel arrive dans toutes les maisons, on avait l'utilisation du gaz de synthèse, du gaz de ville, qui comportait 50% d'hydrogène. Et ceci dans toutes les maisons, y compris à Paris. Et notamment, par exemple, quand vous voyez l'inscription gaz à tous les étages, qui encore reste sur les bâtiments, on avait un mélange d'hydrogène. Donc, il y a eu quand même une expérience auprès du grand public là-dessus. Mais c'est vrai que ceci dit, c'est vrai que le drame du Zeppelin a marqué les esprits. Et de toute façon, puisque les développements d'hydrogène ont repris depuis une vingtaine d'années, c'est bien sûr une question qui a été la préoccupation des industriels dès ce redéveloppement des technologies. Petite précision sur le drame du Zeppelin. Allez-y, Pierre-Étienne Franck. Le drame du Zeppelin a fait un certain nombre de morts, qui sont toutes les personnes qui ont sauté de la nacelle. Toutes celles qui sont restées dans la nacelle quand elle a pris feu, du fait d'une décharge électrostatique, a priori c'est ce que disent les experts, la nacelle est descendue gentiment, et ils sont sains et saufs. Donc ça n'excuse rien, mais ça montre qu'il faut arrêter. Enfin, ils ne sont pas morts du fait de l'hydrogène. Ils sont retombés normalement sur Terre. Ce qui est très surprenant dans cette histoire, dit Lindenburg, c'est que c'est le seul secteur d'activité pour lequel on utilise un drame qui a plus de 80 ans pour continuer à challenger sa maturité. Je trouve ça tout à fait étonnant. Mais je crois que tant que l'hydrogène n'aura pas une autre image et ne laissera pas d'autres souvenirs dans l'esprit du grand public, eh bien celle-là persistera. Alors, vous savez, on a fait autre chose sur ce sujet. On a fait un sondage médiamétrie qui consiste à essayer de voir quelles images les gens associent et quelles valeurs les gens donnent à ce mot d'hydrogène, à quel type de mots, de secteurs, d'écosystèmes ils se projettent quand on entend ce mot. Et les résultats du sondage nous ont beaucoup frappés parce qu'on avait fait ça auprès d'une à peu près 600 personnes après avoir fait des études qualitatives avec l'Institut Médiascopie. Et les résultats sont qu'en fait, l'hydrogène a une excellente image. Les gens voient tous l'hydrogène comme l'énergie du futur. On le voit dans tous les films de science-fiction. Les gens voient tous que c'est quelque chose qui a l'air magique. Et effectivement, de temps en temps, revient la crainte liée à l'explosivité de cette molécule qui est forte, mais qui est celle de toutes les énergies qu'on utilise tous les jours. En fait, il faut simplement que progressivement les gens s'habituent. Quand les gens prennent nos taxis, les taxis hype qu'on a à Paris, là, vous savez, il y a une soixantaine de taxis qui tournent. Quand ils rentrent dedans, au début, ils ne savent pas ce que c'est. Ensuite, le chauffeur leur explique gentiment qu'ils sont dans un taxi hydrogène. Quand ils ressortent, ils ne comprennent pas pourquoi ça se généralise plus. En fait, on est dans ce problème de de l'ignorance qui fabrique une peur qui n'est réglée que lorsqu'on touche du doigt l'usage de la technologie. Et c'est ce que nous essayons de faire au travers de toutes ces expérimentations qui montrent que l'hydrogène est en train de sortir des usines pour rentrer dans les villes et pour rentrer dans les maisons. Vous avez quand même près de 200 000 foyers en Corée et au Japon qui utilisent des piles à combustible stationnaire pour se chauffer, qui ne font que craquer de l'hydrogène, du méthane pour faire de l'hydrogène et ensuite de la chaleur et de l'électricité. Il n'y a pas d'enjeu de sécurité du tout. Alors, J'ai juste une précision, enfin un élément de réponse un peu plus même factuel à apporter. Moi, je travaille près de Aix-en-Provence et il se trouve que près de Aix-en-Provence, il y a l'École nationale des sapeurs-pompiers, l'ENSOP. Et les sapeurs-pompiers se sont emparés depuis quelques années du sujet. D'abord dans certains départements pionniers et puis maintenant au niveau de l'École nationale, dans les formations qui sont dispensées, il y a une formation sur le risque hydrogène. À la fois avec de la réalité virtuelle pour entraîner les pompiers et aussi avec des travaux pratiques, si je peux dire, sur le terrain, puisqu'ils ont un terrain d'expérimentation. Et donc, les pompiers sont les premiers avocats maintenant de l'hydrogène, au point que, par exemple, dans la Manche, qui est un des départements pionniers, les pompiers utilisent des véhicules à hydrogène pour intervenir. Les Kangoo, oui. Les Kangoo pour intervenir. Et donc, moi j'ai assisté, je ne sais pas si tu as assisté, mais on a assisté à des démonstrations de maîtrise de feu d'une voiture hydrogène. La procédure est parfaitement au point. Les pompiers ont complètement confiance. Et donc, petit à petit, ça se diffuse dans l'ensemble des organisations de pompiers en France. Est-ce que vous diriez que l'hydrogène dans le transport, dans les voitures dont vous parlez, est plus ou moins dangereux que l'essence ou le gaz naturel qui est déjà utilisé ? Il a un risque différent. Il n'est pas ni plus dangereux ni moins dangereux. En fait, on pourrait répondre que dans beaucoup de situations, il est plutôt moins dangereux. Oui. Beaucoup. C'est ce que disent les constructeurs, en tout cas. Et tous les tests qui ont été faits de crash tests, de tir à balle, de choses comme ça, montrent qu'il est moins dangereux. Par contre, il y a des petites spécificités qu'il faut traiter, comme le parking dans les garages, qu'il faut traiter spécifiquement, et qui n'est pas le même cas que le GPL, puisque l'hydrogène étant une molécule très légère, on n'a pas la même configuration, l'hydrogène va se stocker en partie haute. Donc, enfin, s'échapper. Il va s'échapper, stocker en partie haute. Ouais. Donc il y a des mesures à prendre spécifiques, mais il est ni plus dangereux, ni moins dangereux qu'un véhicule à essence. Très bien. Pierre-Étienne Franck, pour préciser d'où vient cet hydrogène, comment le fabrique-t-on ? Alors, aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, c'est l'atome le plus abondant de l'univers, mais il déteste être seul. On en trouve très peu tout seul. Il y a quelques réserves naturelles qui sont. Il commence à y avoir, effectivement, des réserves naturelles qui sont détectées. Elles sont pas tout près, quand même. C'est pas très simple de récupérer cet hydrogène-là. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on craque soit la molécule d'eau, soit la molécule de gaz naturel. Le plus simple, c'est de craquer le gaz naturel, les hydrocarbures. Alors, du coup, on chauffe, hein, on chauffe à très forte température, 800 degrés, avec de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau et le gaz naturel se passent dans un catalyseur et ça se sépare et ça génère de l'hydrogène, du monoxyde de carbone et du CO2. C'est la méthode la plus efficace, la plus éprouvée. C'est celle qui sert à peu près pour 95% de l'hydrogène qui est utilisé aujourd'hui dans le monde. C'est pas la meilleure pour le réchauffement climatique. C'est pas la meilleure parce qu'effectivement, elle continue à émettre à peu près 10 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Le bilan du puits à la roue, compte tenu des efficacités de la pile et combustible en aval, reste meilleur que une voiture essence ou diesel. Il n'y a par ailleurs aucune autre émission, puisque l'hydrogène est une molécule propre lorsqu'elle réagit avec l'eau pour faire de l'électricité. Mais effectivement, il faut trouver une autre méthode. L'autre méthode, c'est déjà de commencer par passer par du biogaz ou du biométhane. Hein, donc là, on utilise du gaz recyclé qui, de toute manière, se serait échappé s'il n'avait pas été utilisé. Troisième méthode, c'est de séquestrer, de capturer le CO2 qui est émis et ensuite de le séquestrer. Ce n'est pas encore de l'hydrogène vert, mais c'est de l'hydrogène propre. Dans ce cas, on continue à utiliser des énergies fossiles, mais le gaz est quand même une énergie déjà plus propre que le pétrole ou le charbon. Et puis évidemment, la méthode qui fait que l'hydrogène devient probablement l'un des éléments clés de la transition énergétique, c'est de casser la molécule d'eau. Et là, on passe à l'électrolyse, qui est une technologie que à peu près tous ceux qui sont passés par le lycée ont dû tester eux-mêmes, hein, sur une paillasse. On fait réagir dans une solution aqueuse avec un électrolyte. On passe un courant. D'un côté, il y a une sorte d'oxygène, de l'autre, sorte de l'hydrogène. On a cassé la molécule. C'est beaucoup plus énergétique, donc c'est moins efficace que casser une molécule de gaz naturel. Les coûts d'investissement sont aujourd'hui trop élevés, mais c'est le moyen ultime et probablement principal demain de stocker en masse, pour de grandes quantités et pour de grosses puissances, de l'énergie intermittente qui nous sera fournie de plus en plus par le renouvelable. Alors justement, une fois qu'on a produit cet hydrogène, comme vous venez de nous l'expliquer, le mécanisme fait appel à la pile à combustible. Alors peut-être deux mots, Paul Louquez, sur la pile à combustible. Comment cela fonctionne-t-il? Oui, alors il y a plusieurs moyens d'utiliser l'hydrogène qu'on vient de produire. Donc la méthode la plus classique, c'est de le brûler. Donc là, c'est pas très efficace et c'est donc des choses qui ont été faites mais qui sont pas regardées maintenant. La méthode la plus efficace, c'est de l'introduire dans une pile à combustible qui consiste à faire la réaction de hydrogène plus oxygène donne de l'eau, mais au lieu de la faire de façon brutale dans la combustion voire l'explosion, on l'a fait de façon séparée, c'est-à-dire on l'a fait dans un ensemble de deux électrodes séparées par une membrane, par exemple, et on décompose l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène séparément, et donc l'atome d'hydrogène, par exemple, séparé, va migrer et se combiner doucement avec l'atome d'oxygène pour former de l'eau. Et en faisant ça, on produit un électron qui va donc faire générer le courant électrique à l'extérieur. On peut dire que c'est l'inverse de l'électrolyse. Et c'est exactement l'inverse de l'électrolyse. Et le rendement global est quand même de l'ordre de 50%. Bon, ça veut dire aussi qu'il y a 50% de chaleur, qu'on peut d'ailleurs valoriser. C'est d'ailleurs pour ça que les autonomies sont meilleures dans les voitures, parce qu'on a une partie de l'énergie nécessaire pour l'habitacle qui est fourni grâce à la chaleur. Et déjà, ces 50%, c'est quand même un rendement qui est meilleur que celui du moteur à explosion. Bien sûr, deux fois meilleur. Tout à fait, largement deux fois meilleur. Oui. Bon, on est à 22-25 pour les moteurs à explosion. En tout cas, c'est ce que disent les constructeurs. Ça dépend à quel régime de fonctionnement vous êtes. Mais plus vous montez haut dans les tours et plus vous roulez vite, meilleur est le rendement. Mais le rendement moyen est autour de 22-25%. Donc ça donne à la pile à combustible un rendement tout à fait remarquable dans la mesure où on a l'énergie pour pouvoir réaliser cette séparation initiale que vous nous avez décrite, Pierre-Étienne France, c'est-à-dire l'électrolyse soit de l'eau, soit du gaz. Donc cette énergie, elle peut être verte et elle peut donc avoir un impact très faible sur l'émission de CO2, voire nul. C'est pour ça que lorsqu'on essaye de, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a essayé de se rassembler les grands acteurs de tous les secteurs concernés par l'énergie qui pensent que l'hydrogène aura un rôle à jouer, pétrolier, constructeur automobile, fournisseur de gaz industriel, énergéticien, technologue. Et on a essayé de quantifier le rôle que l'hydrogène peut jouer demain dans la transition. Et on voit quand on fait les analyses que Demain, l'hydrogène pourrait contribuer à abattre 20% des émissions de CO2, parce que s'il est là pour stocker l'énergie renouvelable, s'il est fabriqué de manière propre ou par CCS, et qu'ensuite il est utilisé en aval pour électrifier tous ces secteurs qui sont aujourd'hui très carbonés, eh ben, ça devient l'un des grands vecteurs de ta transition avec la batterie. Alors, pour rester une seconde, on va revenir sur ce rapport auquel vous faites référence, d'ailleurs, qui est très récent, qui date du mois dernier. Oui, tout à fait. Et qui, effectivement, dresse une prospective à 2030-2050. Paul Lucchese, est-ce qu'on peut dire que, finalement, c'est un cycle qui se renouvelle indéfiniment, puisqu'avec de l'eau, on fabrique de l'hydrogène en séparant hydrogène et oxygène, et qu'ensuite, dans la pile à combustible, on refabrique de l'eau. Est-ce que c'est un cycle infini? Oui, alors il faut bien sûr apporter de l'énergie. L'énergie près, évidemment. À l'énergie près, parce qu'il n'y a pas de miracle en physique. Mais c'est vrai que... En termes de ressources. Alors, on peut peut-être faire un petit point sur l'aspect économie circulaire de cette économie hydrogène. Il y a quand même actuellement besoin de certains métaux précieux. Donc, il faut absolument recycler. Le platine, en l'occurrence. Le reste des matériaux est relativement simple, pour simplifier. Les opérations de recyclage sont pas très compliquées non plus. Donc, en fait, quand on prend tout le schéma, c'est-à-dire production d'hydrogène, électrolyse. Bon, électrolyseur, donc l'eau est abondante. Transport et distribution d'hydrogène. Donc, utilisation dans une voiture, par exemple, avec ce problème du platine. Et ensuite, l'eau s'échappe à l'atmosphère. Donc, on a effectivement un cycle où, au platine près, je dirais, on a... Pas plus de platine aujourd'hui que dans un pot catalytique. Oui, attends. Ouais. Pour l'instant, disons... C'est Pierre-Étienne Franck qui précisait les choses. Vous allez le dire. mais donc le platine, après on peut parler du platine. C'est vrai que les progrès ont été tels depuis 20 ans qu'on a dû diviser par, je sais plus, entre 50 et 100 la quantité de platine qu'il faut. Donc on peut même espérer encore avoir des progrès considérables, notamment avec les nanomatériaux. Et donc on peut espérer qu'on arrive à des quantités de platine qui sont proches de ceux utilisés. Et donc, moyennant la mise en place d'une économie circulaire, on peut penser que l'économie hydrogène est tout à fait durable. La méthode scientifique, Michel Alberganti. Nous parlons aujourd'hui de l'hydrogène avec nos deux invités, Pierre-Étienne Franck, directeur des nouveaux marchés et des technologies avancées chez Air Liquide, et Paul Lucchese, directeur adjoint du pôle de compétitivité Cap Énergie et président de l'accord hydrogène de l'Agence internationale de l'énergie. Alors on a à peu près compris comment on produisait l'hydrogène, comment on pouvait transformer ce nouveau carburant, d'une certaine façon, en électricité. Et quelles sont les applications maintenant? Et on va avoir d'ailleurs bientôt un petit reportage qui va nous projeter dans une application particulière. Mais on se rend compte que le nombre d'applications est extrêmement vaste. Et c'est ça aussi une des caractéristiques particulières de l'hydrogène, Pierre-Étienne Franck. Bien. Déjà, c'est une molécule qu'on utilise déjà dans de nombreux métiers. Déjà, c'est grâce à l'hydrogène qu'on propulse le fusée Ariane. C'est comme ça, d'ailleurs, que le métier de l'hydrogène est rentré, en tout cas, chez nous. Ça ne lui donne pas une image, justement, trop... Futuriste Non, un petit peu inquiétante. Elle sert avec... Quand on voit un démarrage fusée, si vous voulez, c'est la situation la plus rassurante. Oui, mais ça montre qu'il y a une très belle énergie, quand même. Absolument. Et elle est très légère et très puissante. Alors, ensuite, on utilise l'hydrogène pour tout un tas de secteurs, dans l'électronique, pour faire des bains d'inertage dans les bains de verre. On l'utilise dans le traitement thermique. On l'utilise aussi beaucoup, depuis une vingtaine d'années, dans les raffineries et dans la pétrochimie. Et dans les raffineries, on l'utilise notamment parce que les règles environnementales et l'évolution vers des coupes de plus en plus lourdes de pétrole font qu'il faut casser les chaînes d'hydrocarbures, les gens les rendent plus légères, en rajoutant des atomes d'hydrogène par atome de carbone, et casser les molécules de soufre pour désulfurer. Et c'est grâce à cela, d'ailleurs, que les grands fournisseurs de gaz industriel que nous sommes et nos concurrents sommes rentrés dans ce métier. Et aujourd'hui... Donc ça, ce sont les applications industrielles. Classiques. Mais aujourd'hui, quand même... Avec l'hydrogène qui est fabriqué pour alimenter ces raffineries, on a assez d'hydrogène pour alimenter par pile à combustible 270 millions de véhicules, si on le veut. Donc on est déjà en fait dans une économie d'hydrogène, mais simplement aujourd'hui il est mélangé dans le pétrole. 270 Alors, millions avec l'industrie mondiale. Oui, tout à fait, en prenant en compte l'ensemble du monde. Alors, les autres applications qui s'ouvrent avec les enjeux de la transition énergétique sont effectivement tout à fait nouvelles et prometteuses. Donc, la première, on en a parlé tout à l'heure, dans un certain nombre de pays où la part d'énergie renouvelable a monté et où on va avoir de l'énergie résiduelle disponible combustible alors qu'on n'en a pas besoin, il sera très important de pouvoir la stocker. Stocker du jour-nuit avec une batterie, c'est facile. Stocker éventuellement avec un barrage hydroélectrique, c'est facile aussi, mais il n'y a pas des barrages hydroélectriques partout, et puis il y a des contraintes de relief. Et donc ensuite, l'autre méthode pour stocker beaucoup, c'est de faire des électrolyses de grosse puissance, et capable de stocker l'hydrogène, et ensuite de le restituer soit dans des réseaux de gaz naturel, soit de refaire de l'électricité. Ça, c'est une première application qu'on appelle le power to gas. Ensuite, si je peux te couper, il se trouve un point d'actualité, c'est qu'avant-hier, il y avait l'inauguration à Fos-sur-Mer du projet Jupiter 1000, qui est un exemple typique de power to gas. Donc Jupiter 1000 est un projet de 1 MW, emmené par GRT Gaz, et donc dont l'objectif c'est exactement ça, c'est-à-dire de produire de l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable, et puis ensuite de l'injecter dans le réseau de gaz. Donc ça, voilà un exemple tout à fait récent. Et nous inaugurons dans quelques semaines au Danemark exactement le même type de projet avec, je crois que c'est 1,2, enfin c'est les mêmes tailles de puissance. L'enjeu, c'est de passer à 100 mégawatts quand même. Donc c'est ça la difficulté. Mais technologiquement, les technologies sont prêtes. Maintenant, il faut faire des effets d'échelle. Oui, ce que vous voulez dire, pour préciser juste ce que vous avez mentionné, Paul Lucas, c'est dans le réseau de gaz naturel qui alimente qui ? Oui, alors, juste un petit mot là-dessus, c'est que l'enjeu, c'est d'étudier et de regarder combien d'hydrogène on peut injecter dans le gaz naturel sans changer fondamentalement les réseaux eux-mêmes. Puisque, à partir du moment où on introduit un peu d'hydrogène, donc on a un mélange gaz naturel et hydrogène, l'hydrogène a des propriétés complètement différentes du gaz naturel, et donc il faut regarder si ça n'a pas d'influence sur la fragilisation des métaux, des tuyaux, etc. Donc ça a déjà été un petit peu fait jusqu'à présent, mais là on rentre dans une phase réelle, c'est-à-dire qu'on rentre dans les applications réelles de mélange. Alors on va aller doucement, au départ je pense que ça va être 1%, 5%, et on verra ensuite comment éventuellement transformer le réseau de gaz dans les décennies à venir, dans un réseau hydrogène. Vous avez au Royaume-Uni, toujours dans la même application, à Leeds, un projet de refonte complète du réseau de chauffage urbain de Leeds pour passer du gaz à l'hydrogène, où ils sont en train de prendre un quartier, de remplacer les tuyaux effectivement par des tuyaux en polyéthylène qui n'ont pas des propriétés, qui ne sont pas fragilisés par l'hydrogène, d'estimer le coût global, et qui dont les calculs montrent que ce serait beaucoup moins cher de faire cette transformation-là que de passer tout à l'électrique. Donc ça, c'est les applications power to gas. Ensuite, bien sûr, vous avez tout un tas d'industriels, notamment dans la sidérurgie ou dans le ciment, qui ont d'énormes besoins de chaleur, qui sont aujourd'hui fournis par des énergies fossiles, qui vont devoir basculer sur des énergies propres. Si demain je n'ai plus d'énergie fossile pour me chauffer et pour fournir de la chaleur haute température, l'hydrogène est un très bon vecteur. Alors ça, ce sont des applications qui restent quand même peu perceptibles forcément par le grand public. Alors je viens au grand public tout de suite. Mais avant cela, nous allons faire une petite incursion auprès d'une société franco-suisse qui est baptisée Aquius et qui fabrique une cartouche d'hydrogène qui pourrait changer la façon dont on se déplace dans le futur. Et Antoine Beauchamp est allé à sa rencontre pour réaliser le reportage qui nous présente maintenant. Bonjour Antoine. Bonjour Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, j'ai rencontré Jean-Baptiste Demanton, qui est le vice-président d'Aquius, et qui nous explique le fonctionnement de sa cartouche, la cartouche appelée StorH. Cette cartouche d'hydrogène, qui a la forme d'une canette ou d'un thermos, n'équipe pour l'instant que de petits véhicules, mais les équipes d'Aquius travaillent à son développement pour de plus gros véhicules. L'idée de la cartouche est assez simple, il s'agit tout d'abord de développer une forme standard qui puisse être largement utilisée, et cela dans plusieurs types de véhicules. Ensuite, il est question de proposer une énergie propre, aussi bien au moment de sa consommation que de sa conception, et de transformer notre rapport à l'énergie en faisant un bien de consommation aussi simple d'accès qu'une canette de boisson dans un distributeur. L'idée de départ est de pouvoir utiliser l'hydrogène pour les transports en abaissant totalement les problèmes liés à la sécurité. Et comment est-ce qu'on s'y prend ? Eh bien, on stocke l'hydrogène à l'intérieur d'une matrice solide, c'est-à-dire que les pressions sont nulles, voire très faibles, et qu'on peut dès lors conditionner ce stockage à l'intérieur d'une cartouche, à la manière d'une canette de soda, et que cette canette devient un objet manipulable aisément, qu'on peut trouver dans un distributeur au coin de la rue. Et il suffit alors, une fois qu'on a cette canette, de la cliquer à l'intérieur de l'application, un scooter, un deux roues, un petit quatre roues, et le carburant est donc devenu un objet totalement inerte et qu'on peut distribuer de manière extrêmement répandue et un peu partout dans la ville. Ici, on a deux formats de canettes. La première, qui est identique à une canette de soda traditionnelle, permet à la fois d'être manipulée plus facilement, transportée dans son sac, mais représenter une autonomie un peu plus faible. Le thermos, lui, il est manipulable également aisément. Il permet d'emmener, par exemple, un scooter pendant 40 km. Alors, à l'intérieur de cette cartouche, on a assemblé un certain nombre de matériaux, les uns avec les autres, et on a réfléchi en amont, avec des équipes de recherche un peu partout sur la planète, à rendre ce matériau de stockage à la fois efficace dans la quantité d'hydrogène qu'il peut stocker, mais également en le fonctionnalisant, c'est-à-dire en lui apportant tout un tas d'autres propriétés. Je pense notamment au fait qu'il peut conduire facilement la chaleur, donc il va coûter moins cher dans son utilisation journalière. Et de l'autre côté, de le rendre encore plus durable, c'est-à-dire que cette cartouche est remplissable un très très grand nombre de fois, donc le prix marginal finalement de cette cartouche est quasiment nul, c'est uniquement l'opération de recharge de la cartouche qui va intervenir dans le modèle commercial finalement. Alors pour recharger une cartouche, c'est extrêmement simple, étant donné que les pressions à l'intérieur de la cartouche sont quasiment nulles, il suffit simplement de pressuriser légèrement de l'hydrogène, de le connecter à cette cartouche, et puis d'assurer un refroidissement de la cartouche, parce que quand on remplit un matériau de ce type avec de l'hydrogène, on a tendance à réchauffer un peu, donc si on veut accélérer le processus, on va le refroidir. Donc ça se passe soit globalement dans des grosses usines centralisées, soit dans des petites unités localisées, ce qui peut avoir un fort intérêt quand on veut par exemple équiper un territoire donné, une ville, un quartier, un aéroport. Vous avez évoqué des partenariats, vous avez passé un contrat je crois avec la Chine, ou en tout cas la Chine s'intéresse de très près à votre projet. Oui. Comment ça se passe? Qui sont finalement vos partenaires principaux? On distingue deux catégories de partenaires. Il y a bien entendu des partenaires industriels qui aujourd'hui doivent être demeurés confidentiels en matière de fabrication de véhicules, en matière de fabrication des cartouches, la recharge en hydrogène, voire des énergéticiens. Mais nous avons également le projet de développer ces écosystèmes de manière locale, c'est-à-dire dans des régions bien particulières. L'intérêt d'une approche filière comme Storach, c'est qu'on va pouvoir permettre de traiter l'amont et l'aval de manière vertueuse sans avoir à importer de l'énergie, soit de zones très spécifiques comme c'était le cas du pétrole, soit de manière très centralisée, très sécurisée comme c'est le cas dans le nucléaire par exemple. On peut créer dans chaque écosystème particulier la chaîne vertueuse qui va répondre à toutes les sollicitations. Alors nous avons aujourd'hui signé 3 partenariats régionaux qui sont stratégiques et très importants pour nous. Le premier, vous avez raison de le dire, c'est la Chine, pour déployer d'abord dans une région donnée en Chine l'écosystème Storach, probablement sur un modèle de petite voiture 4 roues, et puis progressivement de l'étendre à d'autres provinces avec lesquelles nous discutons activement. Le deuxième partenariat extrêmement stratégique pour nous, c'est le Maroc, puisque nous avons la région et la ville de Marrakech qui nous ont signé un accord de dimensionnement pour mettre en place cet écosystème, à la fois issu de l'énergie solaire en amont et les deux roues qui sont un problème endémique, notamment pour la ville de Marrakech, et puis aujourd'hui même avec le port de Tanger, donc à la fois la ville de Tanger et le port de Tanger, et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on va avoir à la fois dans le même écosystème les utilisations urbaines, scooters, vélos, petites voitures, les utilisations professionnelles liées à la maintenance de tout ce qu'on peut trouver dans une zone portuaire, voire s'ouvrir sur le maritime. Et ce serait génial de pouvoir se dire, j'arrive avec mon scooter, avec une cartouche, je l'enlève, je la mets dans mon bateau et je pars en mer. Et c'est aussi ça, à la fois le côté fun et le côté disruptif finalement de l'approche Storach. Cette cartouche, elle est pratique, on peut la recharger soi-même, etc. Et il y a peut-être un volet aussi connecté. Alors expliquez-moi un peu comment ça fonctionne. Alors c'est ça qui boucle l'histoire, hein. C'est que effectivement, étant devenu un objet qui va être connecté, donc qu'on va pouvoir suivre pendant tout son cycle de vie, mais on va pouvoir également, à partir du moment où on va créer un réseau de distributeurs comme des sodas de ces cartouches, on va pouvoir progressivement intégrer une application sur son téléphone portable et finalement non seulement on révolutionne l'énergie, non seulement on révolutionne les transports, mais également on va révolutionner la consommation de la mobilité. C'est-à-dire que vous pourrez à tout moment, avec votre téléphone portable, réserver un véhicule, réserver une cartouche en pouvant la localiser près de chez vous à partir de votre application et votre mobile. Et donc on va créer une plateforme d'utilisateurs qui va permettre une consommation tout à fait nouvelle d'un catalogue d'applications dans la ville et un peu partout. Alors voilà, cette plongée un peu dans le futur avec des cartouches d'hydrogène que l'on peut recharger et que l'on peut utiliser sur des vélos ou d'autres espèces d'engins qui nous permettraient de nous déplacer. Avec ce carburant, quelle réaction Pierre-Étienne Franc à ce reportage et aussi à ce qu'il signifie en termes de perspective? Bon, c'est une très belle idée que Acus essaye de développer. Il faut que la technologie fonctionne, c'est ce sur quoi il travaille aujourd'hui. Il y a déjà des vélos électriques hydrogène qui sont en circulation, Pragma qui lance ça. Entreprise française. Bon, et puis quand même, ce qui a fondamentalement changé depuis quelques années, indépendamment de ces idées qui sont intéressantes mais qui maintenant doivent trouver des volumes, c'est que un certain nombre de grands acteurs d'automobiles ont mis en marché des séries de véhicules et qu'il y a un nombre de pays où on s'est organisé pour structurer une infrastructure qui permette de déployer des transports électrique, hydrogène. Quel pays, par exemple? Aujourd'hui, vous avez dans le monde plus de 6000 véhicules qui tournent. Ce qui est absolument infime. Oui, mais ce qui est considérable par rapport à il y a 3 ans. Ce qui est le début, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé il y a 7 ans pour les batteries. C'est-à-dire qu'on est au début de la courbe de mise en marché. Les acteurs qui ont commencé à produire des véhicules de série, c'est Toyota, Hyundai, Honda, Daimler qui vient de lancer sa série là et qui est en train de les mettre en circulation dès janvier de l'année prochaine en Allemagne. Et vous avez d'autres acteurs qui doivent suivre, qui sont Audi, BMW, General Motors. En gros, vous avez bien compris, je les cite tous sauf nos deux Français favoris. On en reparlera après si vous voulez. Par ailleurs, vous avez les Chinois qui ont commencé à comprendre que les batteries avaient des limites parce que les batteries, on sait bien, ont des enjeux d'autonomie. On ne peut pas faire tellement plus que 300-400 km avec une batterie pour des raisons de densité énergétique et des temps de charge qui sont considérables. L'hydrogène, on est tout de suite sur 500-600 km d'autonomie et on est sur des temps de charge de 3 à 5 minutes. Et en parallèle de ces mises en marché, évidemment, les fournisseurs d'infrastructures se sont organisés dans quelques grands pays pour mettre en place des réseaux. Donc l'Allemagne, nous avons une société commune entre 6 acteurs qui est en train actuellement de construire 100 stations et qui a pour projet d'en construire 400. Le Japon, vous avez déjà 90 stations qui tournent et nous avons signé il y a une semaine avec Toyota, Iwatani, le pétrolier GX, de la même manière un consortium qui va construire 100 autres stations d'ici 2020. La Californie, où il y a déjà une trentaine de stations qui tournent, 30 autres sont en construction. Et donc ce sont des pays ou des États qui sont en train de déployer la mobilité de manière réelle avec des usages quotidiens. Et puis vous avez des expériences comme Paris, vous avez 60 taxis qui tournent. Qui sont des voitures Hyundai. Qui sont des Hyundai électriques hydrogène et pas des françaises. Et pas des françaises. Ça nous rappelle un vieux souvenir quand les Prius de Toyota sont arrivés, se sont installés à Paris, ont équipé également des taxis. Et tout le monde a rigolé. Et tout le monde à l'époque a rigolé. Voilà. Oui, avant et 15 ans après, tout le monde a pleuré. Donc on en est là. Paul Louquèze sur cette perspective, en particulier sur le transport. Et là, je pense que justement le grand public est très concerné. Il va falloir manipuler de l'hydrogène, il va falloir manipuler ses cartouches, les remplir une fois qu'elles sont vides. Est-ce que pour vous, il y a aujourd'hui, est-ce que c'est prêt? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que ça peut se développer? Bien sûr, ce que vient de dire Pierre-Étienne montre que c'est déjà la réalité dans quelques pays. Donc, quand vous allez au Japon, vous voyez 3 ou 4 000 voitures, même si c'est un chiffre très modeste, mais c'est quand même des voitures commerciales, c'est pas des prototypes, avec un nombre de stations-service conséquent. En fait, il y a toujours une mauvaise interprétation sur les points de recharge, parce que parfois on compare des points de recharge électriques par rapport à des points de recharge hydrogène, et c'est pas du tout comparable, parce que le service rendu est pas du tout le même. On estime, le calcul est facile à faire, qu'un point de recharge hydrogène équivaut à 600 points de recharge électrique lente. Oui, c'est ça, oui. À peu près. Ça, c'est le calcul que j'ai fait moi. Mais je pense que, à cause de la différence de temps qu'il faut pour recharger. Il y a un facteur dû à l'autonomie, qui est 2 à 3 fois moins. Et deuxièmement, quand vous combinez ce que vous pouvez faire en 8 heures, combien de voitures vous pouvez recharger en 8 heures de façon électrique, c'est une. Et en hydrogène, vous en chargez 2 ou 300. Combien faut-il de temps pour faire un plein d'hydrogène? Entre 3 et 5 minutes. Pour 500 km d'autonomie. Donc on est sur des logiques qui sont comparables aux voitures thermiques avec l'avantage des émissions, des zéro émissions en plus. Donc en fait, on ne peut pas dire que le secteur n'est pas en train de s'organiser et de se structurer. Alors, les constructeurs français n'y vont pas pour l'instant. Pour l'instant. Vous avez d'un côté Renault qui, quand même, par Nissan, a accès aux technologies et, de fait, Nissan est partenaire de notre organisation japonaise. Mais Renault a misé sur l'électrique. Voilà, donc pour l'instant, il fait le maximum sur l'électrique. Puis je pense que dans quelques années, Renault demandera pourquoi il n'y a pas de borne de recharge en France pour l'hydrogène. Et fera la même chose que ce qui s'était passé sur l'électrique. Je passe. En ce qui concerne Peugeot, Peugeot a probablement eu des difficultés qui sont connues, un passage difficile il y a quelques années, donc a dû se focaliser sur ses cœurs de métier. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'acquisition d'Opel et au travers d'Opel de certaines technologies, dont les piles à combustible, Peugeot pourrait tout à fait se lancer dans les années à venir dans des séries de véhicules à piles à combustible, surtout vu les réserves que le président de Peugeot a affiché sur la batterie, puisque tout le monde sait bien que la batterie, on ne peut pas massifier l'usage de la batterie. Les enjeux sur les infrastructures, sur le cycle de vie, sur les matières premières qui sont utilisées par les batteries sont considérables, sont bien plus importants que pour l'hydrogène. En fait, ce qui se passe actuellement, on électrifie les transports. Et en électrifiant les transports, tous les constructeurs sont en train de construire des plateformes électriques qui peuvent accompagner soit de l'électrique, soit de la pile à combustible. Parce que les composants sont les mêmes. Il faut juste rajouter la pile en plus et le réservoir. Donc on est en train de préparer avec l'essor de la batterie, l'essor de la pile à combustible qui viendra derrière. Drive My Car par les Beatles à 16h38 sur France Culture, où nous parlons aujourd'hui d'hydrogène comme source d'énergie du futur avec Pierre-Étienne Franck, directeur des nouveaux marchés des technologies avancées chez Air Liquide, et Paul Lucchese, directeur adjoint de Cap Énergie et président de l'accord hydrogène de l'Agence internationale de l'énergie. Et justement, l'Agence internationale de l'énergie, Paul Lucchese, est en train de changer un petit peu de point de vue sur l'hydrogène, alors qu'elle n'y était pas forcément très favorable jusqu'à là, jusqu'à maintenant. Donc c'est quelque chose qu'il faut noter, parce que si vous voulez, on a beaucoup de rapports qui émanent de gens qui travaillent dans l'hydrogène, si je peux dire. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est les équipes qui sont un peu référentes dans la matière. L'AIE est une référence pour les négociations internationales. effectivement, jusqu'à présent, quand vous regardez les principaux scénarios de l'AIE, l'hydrogène est très peu présent. Et pour la première fois, au mois de novembre, l'AIE a publié un rapport qui s'appelle Renewables for Industry, qui décrit le rôle majeur de l'hydrogène. Alors, pas encore pour la mobilité, ça va peut-être venir, mais on a déjà une première étape, mais pour les applications industrielles. En l'occurrence, il démontre, et ça c'est dû à la révolution des renouvelables, on arrive maintenant à des coûts du photovoltaïque qui sont extrêmement bas. On a eu des appels d'offres au Mexique ou au Chili. On arrive à 2 centimes du kilowattheure. Et quand on arrive à 2 centimes du kilowattheure, et on veut produire l'hydrogène avec cette électricité, l'hydrogène devient compétitif. Donc c'est une vraie révolution qu'on ne pouvait pas avoir il y a 3 ans, il y a 5 ans, puisqu'on avait des coûts de photovoltaïque qui étaient 2 fois plus hauts. Et donc ce rapport décrit concrètement, avec des calculs économiques, que déjà, d'ores et déjà, on peut produire de l'hydrogène d'origine renouvelable pour substituer à l'hydrogène que Pierre-Étienne a décrit comme provenant d'énergie fossile et qui émet beaucoup de CO2 dans les applications industrielles. Par exemple, sur le cas de l'ammoniac qui est cité, le rapport montre qu'on peut produire de l'hydrogène, de l'ammoniac, avec de l'hydrogène renouvelable, donc qui n'émet pas d'émissions de CO2, à des prix compétitifs. Ça veut dire sans recours au gaz naturel ? Sans recours au gaz naturel. Avec de l'eau, alors ? Avec de l'eau. Alors, ça induit un petit peu une petite révolution aussi dans le domaine de l'hydrogène, parce que souvent l'hydrogène est associé uniquement à des productions locales, consommation locale. Là, ce qui est montré également, c'est que, et je pense que c'est une tendance des renouvelables, il y aura les deux tendances. Il y aura la tendance produire local, consommer local, mais il y aura aussi dans les zones où vraiment, désert d'Australie, Chili, centre des États-Unis, etc., Maroc, on peut avoir des zones de production massive qui sont très éloignées des centres de consommation et où on aura intérêt à produire de l'hydrogène pour des usages industriels et pour, par exemple, transporter les produits industriels. Et d'ailleurs, donc ça, le Maroc a de gros projets de centrales. Absolument. De et donc ça, c'est vraiment une perspective nouvelle. Qui, alors, on ne parle pas des usages qu'on vient de décrire, on parle plutôt de la partie amont, de la production. Alors, soit avec des productions d'ammoniac ou de méthanol ou de produits chimiques, mais qui eux-mêmes peuvent être utilisés en tant que tels, puisque de toute façon, l'ammoniac, par exemple, sert dans les engrais, et ça, on sait que c'est un marché qui est en train de croître. Ou alors, comme vecteur pour transporter l'hydrogène vers des zones de consommation où on pourrait déshydrogéner la molécule liquide. Comme, c'est un petit peu le projet des Japonais vis-à-vis d'Australie. Si voilà. Vous voulez. Oui, alors, donc ça, c'est une vraie révolution. Donc si l'Agence internationale de l'énergie est en train de changer un petit peu de point de vue vis-à-vis de l'hydrogène, il y a également ce rapport auquel on a fait allusion tout à l'heure, et qui s'appelle « Hydrogen Scaling Up », et qui est dû à l'Hydrogen Council, et dont Pierre-Étienne Franc, on peut dire qu'il annonce des chiffres spectaculaires. C'est-à-dire que ce rapport a été réalisé par les 18 membres de ce conseil d'hydrogène qu'on a monté depuis un an pour fédérer tous les grands acteurs du sujet et essayer de montrer qu'on n'allait pas pouvoir faire la transition sans hydrogène. Et donc effectivement, ce rapport montre que dans tous les segments de marché qui vont avoir besoin d'être décarbonés, donc les transports, l'industrie, le power to gas, l'hydrogène va pouvoir prendre une part de marché qui va osciller entre 10 et 30%. Et quand on agrège ces chiffres et qu'on les fait ensuite progresser dans la durée, on arrive à un hydrogène qui représenterait demain 18% de l'énergie finale mondiale. Aujourd'hui, c'est seulement quelques pourcents. 18% de l'énergie, non pas de l'électricité. Oui, de l'énergie. De l'énergie, global, c'est bien important de préciser. Tout à fait. Deuxièmement, qui représenterait 20% des baisses d'émissions de CO2 qui sont l'ambition de l'accord de Paris, enfin contribuer à 20% des émissions, des ambitions d'ici 2050 seulement. D'ici 2050. Et non pas 2100. Oui, bien sûr. Et qui représenterait donc du coup un potentiel de marché de 2500 milliards d'euros, ce qui est un chiffre absolument gigantesque, mais qui est en fait un chiffre qui est gigantesque, mais qui est commensurable du métier de l'énergie en fait. L'hydrogène devient un vecteur énergétique. Et donc c'est pour ça que vous voyez apparaître des applications comme des trains hydrogène, parce que si demain vous devez électrifier, la moitié du rail européen n'est pas électrifié aujourd'hui, est à base de diesel. Si vous voulez supprimer le diesel et qu'il n'y a pas de ligne électrique... Même en France, il reste des lignes diesel. Mais la SNCF s'intéresse au sujet. Alstom est le pionnier de ces trains à hydrogène. Tous les grands camions qui vont devoir faire des très grandes distances et porter de très lourdes charges devront être électrifiés. Ils passeront par l'hydrogène. Les bus, aujourd'hui, vous avez des centaines de bus qui sont en train de fabriquer en Chine. Et les plus grandes sociétés chinoises du secteur tapent à la porte du Conseil de l'hydrogène et veulent y rentrer. Et la Chine, aujourd'hui, a un programme de subvention publique sur la pile à combustible hydrogène qui est supérieur à celui de la batterie. Alors ce rapport dont vous parlez précise aussi que l'hydrogène créerait 30 millions d'emplois dans le monde. C'est simple, on est dans des industries manufacturières. Et donc qui dit industrie manufacturière dit besoin d'un certain nombre d'emplois. Donc on est sur effectivement 30 millions, c'est un chiffre global. L'enjeu ensuite c'est évidemment de le regarder par pays et par type de secteur. Mais la particularité de l'hydrogène, c'est la particularité des renouvelables, c'est que c'est un moyen de relocaliser la valeur quand même. Aujourd'hui, quand vous achetez 100 euros de diesel, vous avez 90 euros qui sont importés. Demain, si vous achetez pour 100 euros d'hydrogène, vous allez avoir 90 euros qui seront locaux. Et donc, c'est de l'emploi local qui est généré. Pour rebondir sur ce que disait Paul tout à l'heure, aujourd'hui, 30% de l'énergie finale circule d'un continent à un autre. Le vecteur de circulation de cette énergie, c'est le charbon et le pétrole. Si demain, on n'utilise plus le charbon et le pétrole, il faudra bien trouver un vecteur alternatif. Il n'y en a pas 150. C'est forcément l'hydrogène, soit sous forme de méthanol, soit sous forme d'ammoniac, soit sous forme d'hydrogène liquide. Alors, à vous écouter, on a vraiment l'impression que la transition énergétique dont on parle depuis longtemps, qui a été très mise en avant lors de la COP21 en 2015, eh bien, elle a toutes les chances de passer, et presque l'obligation de passer par l'hydrogène. Paul Louquez, alors comment se fait-il que cela ne démarre pas plus rapidement, en particulier en France, où cette prise de conscience du réchauffement climatique a été très forte lors de cette COP21, et où finalement il y a des acteurs comme Air Liquide qui sont là, prêts à avoir un rôle important, qu'il y a d'autres spécialistes, des entreprises qui se créent, on en a vu une tout à l'heure et on en connaît une autre, donc Pragma également, tout a l'air prêt et rien, de l'extérieur en tout cas, rien ne bouge. Alors, c'est effectivement un mécanisme très lent. C'est vrai qu'il y a des réticences de certains acteurs et parfois des réticences culturelles, je dirais, de comprendre ce que c'est l'hydrogène, ce que ça apporte. Et puis aussi, il y a aussi... Quels acteurs, pour préciser les choses? C'est tant au niveau national que... Enfin, moi, je connais un petit peu aussi l'aspect international. L'AIE est un bon exemple. L'AIE n'a pas voulu jusqu'à présent, mais encore une fois, ils sont en train de changer leur position, prendre en compte l'hydrogène. Voilà. Alors, quelle est la position d'EDF, avec eux, j'essaie EDF, de comprendre. Par exemple. Alors, EDF est en train de changer. Oui. Après une période assez marquée par, bien sûr, l'utilisation exclusive de l'électricité, à tel point que nous avons, par exemple, un signe intéressant, c'est que nous avons organisé l'Assemblée Générale de l'Association Française de l'Hydrogène chez EDF, au centre de R&D de Saclay. Donc c'est quand même un signe intéressant. Oui. Pierre-Étienne France. Si je peux donner la point de vue d'industriel et de ce qu'on essaye de faire. Déjà, on est passé, nous, en quelques années, de une ou deux stations fabriquées par an à des dizaines par an. Donc on a multiplié par 10 le nombre de stations qu'on fait. Ensuite, les chiffres, les projets... Ça dépend du nombre que vous avez multiplié par 10. Non, on est passé de une ou deux à des dizaines. Oui, en quelques années. Et donc, sachant qu'il en faudrait combien en France pour qu'on puisse circuler avec de l'hydrogène? Pour qu'on puisse circuler avec de l'hydrogène, il en suffirait d'une centaine pour avoir un très bon maillage, il en faudrait un millier. Mais une centaine de stations, ça coûterait pas si cher que ça. Le problème, c'est que la France ne va pas être le premier pays où on va le faire, tant qu'on n'a pas de constructeurs français qui bougent significativement. Donc, il y a les autres marchés qui se développent. Les différents secteurs, par exemple, prenez l'acier. Vous avez aujourd'hui des projets qui sortent au niveau européen, de grands sidérurgistes européens qui disent « Si je veux décarboner mon acier, il va falloir que je fasse de la réduction directe à base d'hydrogène vert. » Et donc, on est sur des projets tout de suite qui sont considérables en termes d'investissement de plusieurs milliards. Il y a une sorte de réveil qui s'est produit depuis l'accord de Paris et qui est en train de se formaliser. Il se formalise au travers de ce conseil d'hydrogène où vous avez les présidentes de toutes ces sociétés qui sont rassemblées à Bonn et qui disent voilà le potentiel de l'hydrogène. Vous avez ces accords de consortium quand même au Japon, en Allemagne, des discussions en Californie et dans d'autres pays pour rassembler les acteurs. Les projets de train dont parle Alstom sont chaque fois des projets qui nécessitent des dizaines et des dizaines de millions d'euros d'investissement. Et puis vous avez aussi les très gros projets pour décarboner l'hydrogène en amont. Vous avez de très grands acteurs du pétrole, notamment Shell, Statoil et autres, qui sont en train de regarder des projets très très lourds. Donc en fait, on est en train d'y aller. Paul Louquez, on a eu cette opportunité de la loi de transition énergétique qui aurait pu faire une place très importante à l'hydrogène. Ça n'a pas eu l'air d'être le cas. On a, alors effectivement, il y a un article dans la loi qui parle d'hydrogène. et qui un article donc sur un certain nombre. Oui, monsieur, on est parti d'une situation comme on disait avant où il y avait beaucoup de réticences. Donc chaque avantage gagné est un grand pas pour nous. Hein. Et donc on a cet article qui disait qu'effectivement le gouvernement se donnait un an pour développer un rapport et un plan d'action. Alors, ça a pris un petit peu de temps. Et on a maintenant, avec le changement de gouvernement et de majorité, on a notre ministre de l'écologie qui est très sensible et ouvert à ces questions. Et donc, au niveau français, on est en plein dans une action de définition d'une stratégie et d'une feuille de route française. Enfin, je dirais. Oui, c'est en cours. C'est en cours. Ah, bon, on ne peut rien vous dire là-dessus, mais c'est le ministre, il a lancé une demande de feuille de route pour pouvoir, dans le cadre de son plan d'action qui sera annoncé pour la mise en œuvre de la PPE, donc de la transposition de la loi dans les programmes pluriannuels pour l'énergie, en mars, je crois qu'il a dans ses plans de faire un certain nombre d'annonces sur l'hydrogène, notamment décarboner l'hydrogène, et puis développer, favoriser les usages qui permettent d'utiliser l'hydrogène vert. Et vous avez aussi les actions de la mairie de Paris, hein, qui a quand même favorisé l'installation de premières stations-service hydrogène pour les premiers taxis hydrogène, première flotte de taxis hydrogène, qui là sort un certain nombre d'annonces pour favoriser l'achat de véhicules écologiques dans lesquels l'hydrogène est systématiquement mentionné. Donc en fait, progressivement, les choses se mettent en place. Je veux juste rajouter, puisqu'on est, on est sur la France, le rôle moteur des collectivités locales et des régions. Alors que pendant une période, effectivement, le niveau national n'a pas été très moteur. Et donc, on a eu la chance d'avoir un certain nombre de territoires qui ont proposé des projets, qui ont développé des projets, des applications. Et je crois que ça a beaucoup participé au réveil au niveau français de ce qui se passe en ce moment. Le fait qu'il y ait des acteurs locaux, et même souvent, c'était le fait de personnalités politiques locales, hein, qui ont cru à l'hydrogène et qui ont entraîné avec eux tout l'écosystème local. Ça, c'est très important. Et je voulais juste dire, dans la région où je travaille, donc... Sud, puisque maintenant c'est le nouveau nom de la région, il y a des projets extrêmement importants de production massive d'hydrogène dû au fait que c'est une région qui a des coûts de photovoltaïque extrêmement bas. Alors quelle serait la mesure, puisque là on arrive au terme de ce débat, quelle serait la mesure que vous attendez aujourd'hui pour que l'hydrogène passe de l'état de projet très séduisant à une réalité? Pierre-Étienne Franck. Il faut deux choses différentes. Très rapidement. D'une part, il faut favoriser la production d'hydrogène décarboné en mettant en place des systèmes d'incitation de type de ceux qu'on a fait pour le biogaz. Donc décarboné, c'est produit à partir d'énergie propre, capture de carbone, soit électrolyse à base d'énergie renouvelable. Et deuxièmement, il faut trouver des mécanismes financiers qui favorise l'investissement pour les industriels de ces stations-service et des industriels de l'automobile, des flottes de véhicules, de façon à ce que le risque soit partagé entre nous et la puissance publique. Il faut quelque chose de massif là-dessus. Vous êtes d'accord, Pierre-Paul Lopez? Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Je rajouterais juste que, puisque venant du monde de la recherche, qu'il faut continuer à faire de la recherche sur ce domaine. Il y a plein de domaines de recherche extrêmement passionnants qui peuvent aussi amener à des ruptures. Hein. On n'a pas parlé de biologie pour la production d'hydrogène, mais disons que ce sont des domaines extrêmement intéressants. Et donc, en même temps qu'il y a ce déploiement, il faut continuer à faire de la recherche sur l'hydrogène. Et en France, on a des très, très bonnes équipes. Il est maintenant l'heure de notre rubrique du mercredi, la recherche montre en main, où il s'agit pour un doctorant de présenter sa thèse en 4 minutes. Aujourd'hui, nous recevons Damien Laridon en duplex depuis Aix-en-Provence grâce à France Bleu Provence. Damien Laridon, bonjour, vous nous entendez ? Bonjour, oui, tout à fait, merci. Formidable. Donc vous êtes en deuxième année de doctorat en sciences cognitives à l'ONERA et à l'ISAE Supaéro, et vous travaillez sous la direction de Laurent Chaudron et Yves Gourina, et votre sujet de thèse porte sur décision collective optimisée en milieu opérationnel extrême, application aux situations inconnues en vol spatial habité. Damien Laridon, c'est à vous pour 4 minutes. Et tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, ce travail de recherche est bien dirigé par Laurent Chaudron, Yves Gourina, mais aussi Anise Marchand du CREA. Cette thèse opérationnelle vise à l'amélioration de la performance des équipages aérospatiaux devant faire face à des situations inconnues. Les systèmes complexes peuvent impliquer de traiter des problèmes inconnus, à savoir jamais rencontrés ni anticipés. Ces problèmes sont d'autant plus dangereux qu'ils se produisent en environnement opérationnel, contraint et extrême. D'ailleurs, l'histoire aéronautique et spatiale compte plusieurs problèmes inconnus. Et le plus connu d'entre eux, c'est l'explosion à bord du vaisseau spatial Apollo 13. Le but de ce travail est d'améliorer les performances des équipages pour en faire face à l'inconnu, via un champ de la cognition, la métacognition. C'est la cognition sur la cognition, ou encore le fait de réfléchir sur sa propre réflexion. Par exemple, se dire « ça me prend des cases ». Dans un premier temps, il s'agit de comprendre l'incidence de l'homogénéité ou non et de la qualité plus ou moins riche du passé commun d'un équipage sur sa propre métacognition. Et dans un second temps, nous chercherons à établir des marqueurs de performance et quelle combinaison des caractéristiques métacognitives engendrera une performance plus élevée. Le but est donc d'obtenir les meilleures performances en optimisant la métacognition collective. Pour atteindre ce but, une double approche a été retenue. La première est quantitative, pour mesurer la performance opérationnelle d'équipage. Et la seconde est qualitative, pour observer la métacognition collective de ces mêmes équipages. Une double innovation s'inscrit dans l'approche qualitative. La métacognition, en résolution de problèmes, est ainsi divisée en différentes étapes du raisonnement. C'est le niveau macro-métacognitif. Et en zoomant à l'intérieur de ces étapes, d'autres mécanismes métacognitifs les construisent. C'est le niveau micro-métacognitif. Le travail de thèse est alors placé au niveau macro, permettant ainsi de mesurer les taux de mélange des étapes du raisonnement entre elles. C'est ce que nous avons défini comme la netteté métacognitive, ou encore la tendance à suivre une checklist de raisonnement établie à l'avance. C'est la seconde innovation. La formation délivrée à l'École de l'air de Salon de Provence est le terrain idéal pour mettre en œuvre cette approche duale. Elle propose aux élèves des expériences diversifiées et de qualité, et permet une étude dans la durée d'équipes stables. Trois équipes ont ainsi été constituées. Les membres de la première vivent ensemble un maximum d'expériences. Ceux de la deuxième vivent les mêmes événements, mais séparément. Et ceux de la dernière équipe ne se connaissent pas en dehors de la thèse et ne suivent pas la formation à l'École de l'air. Une batterie de problèmes inconnus ont été rassemblés ou conçus dans le but de les soumettre à ces équipes. C'est le protocole LETUCA pour évaluation longitudinale d'équipe via des activités inconnues et collectives pour la version française. Il s'agit de soumettre 13 problèmes aux équipes tous les 45 jours et pendant les 2 années de la formation en internat à l'École de l'air. Les premiers résultats obtenus, et pour l'instant partiels, confirment nos hypothèses. Bon, en résumé, le travail de recherche comporte 3 intérêts majeurs. Le premier vise à améliorer la compréhension de la cognition collective grâce à une approche macro-métacognitive, ou encore l'étude de la souplesse du raisonnement. Pour le deuxième intérêt, il est de créer un protocole de mesure de performance collective qui sera facilement applicable dans le cadre de formation ou de sélection de personnel par des institutions ou des entreprises privées qui ont un caractère opérationnel. Pour le troisième intérêt, il est de traduire l'éventuel gain de performance en recommandation de formation opérationnelle des équipages. Cette thèse s'inscrit directement dans le travail des équipages aéronautiques et spatiaux afin d'augmenter leur résilience. Mais sa généricité concerne toutes les équipes d'opérateurs mobilisés dans des missions à forte variabilité. De nombreuses solutions se dessinent pour le monde opérationnel et de riches pistes de travail s'offrent aux équipes de recherche. Je vous remercie. Merci beaucoup donc à Damien Laridon pour la présentation de sa thèse et à nos deux invités pour notre émission d'aujourd'hui sur l'hydrogène, Pierre-Étienne Franc et Paul Lucchez. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Louzen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc et Ève Etienne, Mathieu Lefrançois, Hugo Bartholoméi, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la technique, Elisabeth Miro à la réalisation et Anthony Thomasson à la technique et Victor Buton au droit d'auteur. Rendez-vous demain pour la méthode scientifique où nous parlerons d'informatique à l'occasion des 50 ans de l'INRIA. D'ici là, vous avez rendez-vous avec Du Grain à Moudre à 18h20 sur le thème « Yémen, une guerre de déstabilisation massive ?» Point d'interrogation. À 17h, LSD, la série documentaire est consacrée cette semaine à l'usage du fleuve. Aujourd'hui, le fleuve se fâche.